Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 12. Des représentations imaginaires et naturelles, ce qu'elles sont, elles ne peuvent servir de moyens convenables pour arriver à l'union divine, combien elles nuisent à l'âme qui ne sait pas s'en détacher à propos. Avant de traiter des visions imaginaires présentées surnaturellement au sens intérieur, qui sont l'imagination et la fantaisie, il importe, pour procéder avec ordre, de parler ici des représentations naturelles de ces mêmes sens intérieurs. Nous passerons de la sorte de ce qui est moins important à ce qui l'est plus, de l'extérieur à l'intérieur, jusqu'à ce que nous pénétrions dans cette retraite intime où l'âme s'unit à Dieu. C'est, au reste, la méthode que nous avons suivie jusqu'à présent, dans le traité de la nuit des sens. Nous avons engagé l'âme à se dépouiller des connaissances naturelles des objets extérieurs, et dès lors de la vie naturelle des passions. Ensuite, au chapitre précédent, nous l'avons initiée au dépouillement des connaissances extérieures surnaturelles, qui tombent sous le domaine des sens, afin de l'introduire dans la nuit de l'esprit, qui forme la matière de ce second livre. L'objet qui se présente à nous tout d'abord, c'est le sang corporel intérieur qui est l'imagination et la faculté représentative. Nous devons également le dégager de toutes les formes et de toutes les connaissances imaginaires dont ce sens intérieur est le foyer. Il nous importe de prouver comment il est impossible à l'âme de parvenir à l'union divine, sans cesser d'agir d'après sa notion, attendu qu'elles ne peuvent pas lui être un moyen proportionné et immédiat pour arriver à cette union. Les sens dont nous parlons sont au nombre de deux, corporel et intérieur. Ils se nomment imagination et faculté représentative. Ils sont corrélatifs et se prêtent un mutuel concours. Le dernier produit une espèce de raisonnement confus et imparfait dont le premier, qui est l'imagination, s'empare pour former l'image matérielle, au point de vue qui nous occupe. Ce que nous dirons de l'un pourra s'appliquer à l'autre. On nomme imagination et fantaisie les impressions et les opérations de ces sens, c'est-à-dire ce qui représente au sens intérieur l'image et la figure des objets corporels. Or, cette représentation peut avoir lieu de deux manières, l'une surnaturelle, qui s'effectue sans la coopération des sens, passivement, telles sont les visions imaginaires de l'ordre surnaturel, dont nous parlerons plus loin. L'autre est naturelle, et se produit activement, sous des formes, des figures et des images représentées par les sens. C'est ainsi qu'il appartient à ces deux puissances de servir utilement à la méditation. Acte discursif produit au moyen d'images, des formes et de figures, offertes par les sens, par exemple, elles nous aident à contempler Jésus-Christ sur la croix, ou attaché à la colonne, à considérer Dieu assis sur un trône et environné d'une grande majesté, ou bien à nous représenter la gloire comme une lumière éblouissante. Enfin, à former toute autre conception imaginaire se rattachant à l'ordre divin ou à l'ordre humain. Aucune de ces représentations et de ces imaginations ne pouvant servir de moyen immédiat et proportionné pour s'approcher de Dieu, l'âme doit s'en dépouiller et rester dans l'obscurité par rapport à ce sens intérieur. Les représentations corporelles, produites par les cinq sens extérieurs, sont également impuissantes à l'y conduire. En voici la raison. L'imagination n'a de force que pour retracer les objets dont la connaissance lui vient par les sens extérieurs, la vue, l'ouïe, etc. Tout au plus parviendra-t-elle à composer une ressemblance des choses qu'elle a vues, entendues, ou senties. Néanmoins, cette idée ne s'élèvera pas au-delà de la notion reçue par les sens extérieurs. Ainsi, on peut s'imaginer des palais de pierres précieuses et des montagnes d'or, parce que l'on a vu de l'or et des diamants. Mais en réalité, tout cela se résume, quant à la substance, à un peu d'or ou à quelques pierres précieuses, bien que l'imagination en ait fait ordonner une composition à elle. Or, nous l'avons dit, les choses créées n'ont nulle proportion avec l'essence divine, d'où il résulte que toutes les inventions imaginaires, reproduisant la créature, ne sauraient être un moyen d'unir l'âme au Créateur. Ô combien s'éloignent de Dieu ceux qui se le représentent sous une forme idéale, comme un feu consumant, une lumière splendide, etc., etc., et s'imaginent de la sorte saisir quelques traits de son être. À la vérité, ces considérations, ces formes, ces méthodes de méditation sont nécessaires aux commençants, pour faire jaillir dans leur cœur une étincelle d'amour par une ferveur sensible. Ils y trouvent une préparation éloignée à l'union, par laquelle d'ordinaire les âmes doivent passer avant d'arriver au terme, c'est-à-dire, au délicieux séjour du repos spirituel. Toutefois, il faut traverser cette voie sans s'y arrêter, ou renoncer à atteindre jamais le but qui n'a aucun rapport avec ses moyens éloignés. Il en est de ces moyens comme des degrés d'un escalier, qui n'ont rien de commun avec le terme ou l'appartement supérieur vers lequel ils conduisent. Si, au lieu de laisser derrière soi tous les degrés jusqu'au dernier, on restait stationnaire sur l'un d'entre eux, jamais on n'arriverait à cette demeure tranquille et paisible qui est le terme de nos aspirations. Ainsi, l'âme désireuse de jouir des sept vies du repos dans l'union du souverain bien, doit franchir tous les degrés des considérations, des formes et des connaissances, qui n'ont ni rapport ni ressemblance avec le but où elle tend, qui est Dieu lui-même. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre, dont l'art et l'industrie des hommes a fait des figures. Actes 17, 29, et il est rapporté aux Actes des apôtres, bon nombre d'hommes spirituels se trompent étrangement sur ce point, après s'être exercés au moyen d'images, de formes et de méditations, convenables aux commençants. Le Seigneur veut, il les attirait à des biens plus élevés, plus intérieurs et moins palpables, par la privation du goût et de la consolation qu'ils trouvaient dans la méditation discursive. Ils n'osent ni ne savent se détacher entièrement de ces moyens sensibles auxquels ils sont accoutumés. Au contraire, ils s'efforcent de les conserver et de se servir encore de considérations et de représentations. Persuadés que ce mode d'oraison est le seul véritable, ils se tourmentent étrangement, et ne trouvent que fort peu ou point de goût dans leurs exercices spirituels. En même temps, la sécheresse, la fatigue, l'inquiétude ne font qu'augmenter, et croissent à mesure qu'il s'agit davantage pour retrouver les premières douceurs de leur ancienne méthode, devenue inutile. L'âme, en effet, ne sera plus désormais en état de goûter ce lait des consolations sensibles, elle devra savourer un aliment plus délicat, plus intérieur et par conséquent plus sublime. Elle en jouira à loisir dans un repos spirituel que toute l'activité de l'imagination serait impuissante à lui procurer. Plus l'âme aura fait de progrès dans cette voie de l'esprit, plus aussi l'opération de ses puissances à l'égard des objets particuliers s'amoindrira. Un seul acte, simple et général, remplacera alors le travail des puissances. Parce que l'âme est enfin arrivée au terme où elle tendait autrefois, les pieds du voyageur s'arrêtent à la fin de sa course. Si tout consistait dans la marche, on n'arriverait jamais à sa destination, si tout n'était que moyen. Quand donc parviendrait-on à la fin et jouirait-on d'être arrivé au terme? N'est-ce pas une chose digne de pitié de voir des personnes dont l'âme aspire à cette paix et à ce repos de la quiétude intérieure, où Dieu leur distribue une réfection céleste, de voir ces personnes, dis-je, contraindre leur âme à revenir aux objets extérieurs, et la forcer à parcourir de nouveau le chemin déjà franchi, elle l'oblige à quitter le repos du terme, pour reprendre les considérations qui ne sont que les moyens conducteurs. Or, cela ne se fait pas sans une grande répugnance et un extrême dégoût de la part de l'âme, avide de s'établir dans cette paix comme dans son propre centre. Ainsi, celui qui après des efforts laborieux est parvenu au lieu de son repos, ressent une vive peine si on l'oblige à retourner au travail. Ces personnes soi-disant spirituelles ignorent le mystère de ces nouvelles voies, leur esprit appréhendant d'y rester oisif, s'agite et se trouble, il essaie en vain de former des considérations et des raisonnements, mais, loin d'exciter la dévotion sensible, il n'y trouve que sécheresse et angoisse. Nous pouvons leur appliquer ce proverbe, plus il gèle, plus il fait dur. En effet, en s'obstinant à employer ces moyens, devenus inutiles pour le moment, l'âme augmente ses souffrances et bannit de son cœur la paix spirituelle. Agir de la sorte, c'est abandonner le plus pour le moins, c'est revenir sur ses pas et recommencer le travail déjà accompli. Les directeurs spirituels doivent apprendre à ces personnes à se tenir en présence du Seigneur, dans le repos et le recueillement, sans employer l'activité de l'imagination, puisque les puissances n'agissent plus dans cet état, et que toute leur opération consiste dans une simple, douce et amoureuse attention à Dieu. Si toutefois d'autres actes viennent s'y joindre, ils se produisent sans effort ni préméditation, mais avec suavité et amour, plutôt par le mouvement de l'Esprit de Dieu que par suite de la spontanéité même de l'âme. Comme on l'expliquera plus clairement dans le cours de cet ouvrage, ces explications me paraissent suffisantes pour inculquer, à ceux qui désirent faire des progrès, la nécessité du complet dégagement de tous les moyens et de tout le jeu de l'imagination, alors que l'état d'avancement qu'ils ont atteint, le réclame. Dans le chapitre suivant, on trouvera plusieurs signes auxquels l'homme de raison reconnaîtra s'il est arrivé au moment précis où il lui faut abandonner la voie discursive de l'entendement et les opérations de l'imagination, pour se conformer à la règle indiquée plus haut. Chapitre 13. Quand l'homme spirituel peut-il commencer à dépouiller l'intellect des formes imaginaires, et mettre de côté le raisonnement dans la méditation? Pour éviter toute confusion et toute obscurité, il est utile de développer cette doctrine, et de déterminer le moment favorable où il faut suspendre l'opération discursive, à l'aide des images, des formes et des figures. De même qu'il est expédient de laisser le travail de la méditation en temps opportun, au risque d'entraver la voie de l'union. Ainsi il est également indispensable de ne pas le quitter avant le temps voulu par l'Esprit de Dieu, de craindre de revenir sur ses pas, si les objets sur lesquels s'exercent les puissances inférieures ne servent pas aux âmes avancées de moyens prochains pour l'union. Néanmoins ils servent de moyens éloignés aux commençants, pour disposer et habituer leur esprit à s'élever, par les sens, aux choses spirituelles, en avançant dans la perfection. Ils écartent de leur chemin l'obstacle des formes et des images grossières du temps, du monde et de la nature. Les signes que nous avons annoncés sont au nombre de trois. Le premier, c'est l'impuissance à méditer, à se servir de l'imagination, et le dégoût que l'on éprouve à s'y livrer comme autrefois. L'aliment agréable qui captivait les sens étant remplacé par un état de sécheresse et d'aridité, tant que l'on trouvera de la facilité à méditer et à discourir, il faut bien se garder d'abandonner cet exercice, à moins de se voir établi dans la paix profonde dont il sera question dans le troisième signe. Le second, c'est de ne reconnaître en soi aucun désir d'appliquer son imagination, ni ses sens à des objets particuliers, extérieurs ou intérieurs, Je ne prétends pas parler ici des écarts de l'imagination, car, même au milieu du plus grand recueillement, elle est souvent volage, mais je dis que l'âme ne doit pas prendre plaisir à la fixer volontairement sur d'autres objets. Le troisième signe est le plus certain, consiste dans la joie intime que l'âme trouve en pleine solitude, dans une attention pleine d'amour à Dieu, dans ce bienheureux état sa mémoire, son entendement ou sa volonté ne produisent aucun acte, du moins aucun acte raisonné, ses puissances savourent en repos la paix intérieure d'une connaissance générale, dégagée de toute intelligence distincte. L'homme de raison doit constater en lui ces trois signes à la fois, avant de se hasarder sûrement à abandonner la méditation proprement dite, et à entrer dans la voie contemplative en se livrant à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas assez d'avoir le premier signe sans le second, l'impuissance d'exercer l'imagination et de méditer les choses divines comme auparavant. Pourrait fort bien provenir de la négligence et de la dissipation d'esprit, c'est pourquoi il faut reconnaître en soi le second signe, c'est-à-dire n'éprouver nul attrait, nul désir de se distraire par d'autres pensées étrangères à Dieu. En effet, si les égarements de l'esprit et des sens procèdent de la tiédeur et des distractions, l'âme sent immédiatement revivre le besoin et l'envie d'appliquer ses facultés à différents objets, et de trouver un prétexte plausible pour quitter la méditation. Cependant, le premier et le second signe seraient encore insuffisants. Si on ne leur adjoignait le troisième, on peut se trouver dans une incapacité totale de discourir et de fixer sa pensée en Dieu, sans néanmoins se sentir attiré à d'autres objets. Cette disposition peut être le résultat de la mélancolie, ou de quelque humeur envahissant la région du cerveau ou du cœur, ce qui est ordinairement la cause d'un certain engourdissement et d'une suspension des sens. Alors l'âme ne pense à rien, et n'a ni le désir, ni la volonté d'agir, et ne songe qu'à savourer les douceurs de cet assoupissement. À cet état, l'âme doit donc ajouter le troisième signe, c'est-à-dire cette connaissance de Dieu attentive et amoureuse, accompagnée d'une paix profonde. À la vérité, cette connaissance intime reste presque inaperçue dans le principe, et cela pour une double raison. D'abord, à cause de sa subtilité et de son extrême délicatesse, ensuite, parce que l'âme ayant été habituée à la méditation, dont l'exercice est plus sensible, perçoit à peine cette nouvelle notion insensible et déjà purement spirituelle. Cela arrive spécialement lorsque, faute de comprendre son état, l'âme s'agite, et s'efforce de revenir à sa première méthode, tout en jouissant d'une paix intérieure et savoureuse, plus abondante qu'autrefois. Son trouble l'empêche de la sentir et de l'apprécier, mais à proportion de sa fidélité et de son abandon dans ce repos, elle sentira mieux cette connaissance générale et ineffable de Dieu, source inépuisable de joies enivrantes et d'une paix délicieuse, exempte de tout travail, pour éclairer cette matière si importante de la direction spirituelle. Nous consacrerons le chapitre suivant au développement des causes et des raisons qui prouvent la nécessité de ces trois signes. Chapitre 14. Convenance et raison de ce qui a été dit sur la nécessité de ces signes. Pour entrer dans la voie contemplative ou dans la vie de l'esprit, on doit renoncer à l'exercice de l'imagination et de la méditation discursive. Dès que l'âme n'y trouve plus de goût et ne peut plus suivre le cours ordinaire du raisonnement, or ce premier signe a deux raisons d'être. Renfermé en quelque sorte dans une seule, premièrement, l'âme a déjà reçu en partie tout le bien spirituel qu'elle devait puiser dans les choses divines, par la voie du discours et de la méditation. Son impuissance à raisonner et à méditer comme autrefois en est précisément la preuve. Elle n'y trouve plus aucune satisfaction nouvelle, parce qu'elle n'a pas encore atteint ce degré de la vie intérieure, où l'esprit expérimente le goût des choses de Dieu. Ordinairement, chaque faveur céleste apporte à l'âme une jouissance spirituelle, qui correspond à la manière dont elle lui a été accordée. À cette seule condition, l'âme en retire un fruit réel, et il ne saurait en être autrement. Ce qui a de la saveur, disent les philosophes, profite et nourrit. Le saint homme Job se pose cette question: peut-on manger d'une viande fat qui n'est point assaisonnée avec le sel? Citation 6. Ainsi, le peu de goût est davantage que l'esprit trouve à approfondir et à analyser par la pensée les vérités proposées, telle est la raison de son impuissance actuelle à méditer. Secondement, l'âme arrivée à ce degré possède déjà, quant à la substance et à l'habitude, l'esprit de la méditation. La fin de ces actes discursifs n'est-elle pas précisément d'en retirer une connaissance de Dieu plus élevée, et un amour plus ardent? Or, toutes les fois que l'âme obtient ce résultat, elle produit un acte, et comme des actes réitérés engendrent une habitude, ainsi les actes multipliés de ses connaissances lui en font contracter, par leur fréquence même, l'heureuse habitude. Parfois, il est vrai, le Seigneur élève immédiatement les âmes à l'état de contemplation, sans l'intermédiaire des actes de la méditation, du moins sans leur en faire préalablement produire un grand nombre. Le résultat que l'âme aurait acquis par l'application laborieuse de ses facultés, et par les connaissances distinctes, elle l'obtient maintenant par l'usage qui a mis en elle l'habitude à la substance d'une connaissance générale et affective, qui remplace toutes les vues particulières. Dès que l'âme se met en présence de Dieu, elle entre en possession de cette paix profonde, où elle boit à longs traits les eaux vives de la sagesse et de l'amour, sans qu'il soit nécessaire d'amener cette eau par les aqueducs des considérations, des figures et des formes. Ainsi un homme pressé par une soif ardente se désaltère sans effort au bord d'une source limpide, lorsqu'étant dans ce repos, on veut contraindre l'âme à revenir au travail des connaissances particulières. Elle éprouve une extrême répugnance et une souffrance réelle à méditer. Il lui arrive comme au petit enfant à qui on retirerait le sein maternel où il puise un lait abondant, et qu'on obligerait de nouveau à chercher avec effort sa nourriture accoutumée. De même celui qui, après avoir ôté l'écorce d'un fruit, en savoure la substance, éprouve de l'ennui. Si on lui enlève le fruit qu'il avait déjà entre les mains pour l'obliger à revenir à l'écorce, tel est encore le chasseur forcé d'abandonner la proie dont il s'était rendu maître. La plupart de ceux qui commencent à entrer dans cette voie d'oraison tombent dans la même erreur. Ils croient que toute leur occupation doit consister à discourir et à raisonner sur des connaissances distinctes, au moyen d'images et de formes, qui sont pour ainsi dire l'écorce de la vie de l'esprit, ne découvrant pas ces lumières particulières dans le repos substantiel et affectueux où leur âme aspire à demeurer. Ils les recherchent en vain puisque le moment en est passé. Ainsi ils perdent à la fois la substance de la contemplation et le bienfait de la méditation, en d'autres termes le fruit et l'écorce. Ils se troublent eux-mêmes, s'imaginant revenir sur leurs pas et courir à leur perte. À la vérité, ils le font, mais non pas selon leurs pensées. Ils se perdent, en effet, relativement à leur propre sens et à leur première manière de sentir, mais c'est là, en réalité, se gagner au point de vue spirituel. Moins on comprend, plus on pénètre dans la nuit obscure de l'esprit, dont les âmes doivent affronter courageusement les ténèbres, avant de parvenir à l'ineffable union divine qui surpasse toute intelligence. Il y a peu à dire au sujet du second signe. Évidemment, l'âme ne doit prendre aucun plaisir aux diverses choses du monde dont le souvenir se présente à son imagination, puisque, pour les raisons données plus haut, elle ne goûte même pas les pensées de Dieu, qui sont assurément plus en rapport avec son état actuel. Toutefois, ne l'oublions pas, même au milieu de ce recueillement, La légèreté de l'imagination a coutume de fatiguer l'âme en dépit de sa volonté qui, loin d'adhérer aux divagations de cette puissance, ressent une vive peine de voir sa paix et sa consolation altérée, une connaissance générale et un amour attentif de l'âme pour son Dieu. Voilà le troisième signe qu'il est convenable et nécessaire de trouver en soi, avant de quitter la voie de la méditation. À propos du premier signe, nous avons déjà indiqué celui-ci. D'ailleurs, nous y reviendrons en parlant de la notion générale et confuse. Après nous être entretenus de toutes les connaissances particulières de l'entendement, nous nous bornerons donc actuellement à exposer une seule raison qui montre avec évidence pourquoi cette attention générale, ou connaissance amoureuse de Dieu est nécessaire. Lorsque le moment est venu pour le contemplatif de renoncer à l'exercice de la méditation, en effet, si l'âme ne jouissait pas alors de cette connaissance ou de cette sorte de présence divine, il s'ensuivrait qu'elle ne produirait aucun acte envers Dieu, et ne recevrait rien de lui. D'une part, elle quitterait la méditation, acte pendant lequel les puissances sensitives opèrent à l'aide du raisonnement, et, de l'autre, elle n'aurait pas l'avantage de la contemplation, qui est cette connaissance générale, en vertu de laquelle les puissances intellectuelles sont appliquées et unies à Dieu. La contemplation cessant, tout acte avant Dieu pour objet lui serait nécessairement impossible, car l'âme est incapable d'acquérir, de recevoir, ou de conserver ce qu'elle a acquis, si ce n'est par l'une de ces deux voies, celle des sens, ou de l'esprit. Par la première, l'âme, nous le savons, arrive à la connaissance des objets, à l'aide de ses recherches et de ses raisonnements. Mais par la seconde, elle se réjouit dans l'objet des connaissances acquises, sans le travail laborieux du discours. La même différence existe entre ces deux états de l'âme qu'entre le travail d'une œuvre à faire et la jouissance d'une œuvre faite, entre la fatigue d'une longue marche et le repos que l'on goûte au terme, entre recevoir un bien et en jouir. Donc si l'âme n'exerçait pas ses puissances sensitives dans la méditation, et si ces puissances intellectuelles n'étaient pas captivées par la connaissance simple et générale de la contemplation, ne pourrait-on pas taxer l'âme d'oisiveté? Dès lors, cette connaissance divine doit nécessairement précéder l'abandon de la première voie, ou de celle de la méditation raisonnée. L'extrême délicatesse de cette connaissance intérieure et générale est en proportion de sa perfection, de sa pureté et de sa simplicité, au point que l'âme, tout en y étant absorbée, ne la sent pas et n'en est pas émue. Et précisément cette notion est en soi plus lumineuse et plus simple, lorsqu'elle rencontre une âme mieux disposée à la recevoir par sa pureté, par son dégagement des autres connaissances et de l'intelligence des choses particulières, où l'entendement et les sens pouvaient s'arrêter, dépourvus des secours ordinaires et sensibles, sur lesquels l'entendement et les sens ont l'habitude de s'appuyer. Comment l'âme pourrait-elle apercevoir les connaissances spirituelles? En effet, plus la connaissance est pure, simple et parfaite, plus elle échappe à l'entendement et lui paraît obscure. Au contraire, sa pureté et sa simplicité diminuent en revêtant des formes intelligibles. C'est alors que l'entendement la juge d'autant plus claire qu'elle est plus à sa portée. Voici une comparaison qui rendra notre pensée plus saisissable. Si nous considérons le rayon de soleil qui se projette dans un appartement, nous remarquerons que plus l'air est chargé d'atomes et de grains de poussière, plus le rayon est appréciable à la vue, et cependant ces atomes et cette poussière le rendent évidemment moins net et moins pur en lui-même. Par opposition, plus l'air est dégagé d'atomes, moins le rayon semble visible à l'œil. Enfin, si le rayon était parfaitement pur et simple, dégagé de poussière, il serait tout à fait imperceptible, parce que la vue ne rencontrerait pas de forme capable de la fixer. La lumière n'est pas à proprement parler l'objet direct de la vue, mais plutôt un moyen qui rend les objets visibles. S'il n'y avait aucun corps sur lequel la lumière vint à se refléter, on ne l'apercevrait pas. Par exemple, si un rayon entrait par une fenêtre et sortait par l'autre sans rencontrer d'obstacle, il serait imperceptible, tout en étant beaucoup plus pur et plus net en soi que si, rempli d'atomes visibles, il paraissait palpable et clairement distinct. Appliquons ceci à la lumière spirituelle dans ses rapports avec l'intellect, qui est la vue de l'âme, la connaissance et la lumière surnaturelle, dont nous nous entretenons, le revêt d'une manière si pure, si simple et si éloignée de toutes les formes intelligibles, que l'entendement est incapable de s'en rendre compte, à raison même de sa pureté. La contemplation sépare cette faculté de ses lumières ordinaires, des formes et des fantaisies naturelles, et ne lui laisse voir et sentir que les ténèbres qui l'environnent. D'autrefois cette divine lumière investit l'âme avec tant de force, que celle-ci ne fait attention ni aux ténèbres ni à la lumière. Elle demeure ainsi dans un profond oubli de toute chose, ne sachant pas où elle est, ni ce qui s'est passé dans cette opération. De longues heures s'écoulent en cet état, et ne paraissent qu'un instant à l'âme lorsqu'elle revient à elle. Même, le temps suit son cours, sans que l'âme captivée dans l'oraison s'en aperçoive. La cause de cet oubli du temps est la pureté et la simplicité de cette connaissance qui envahit l'âme, et la simplifie en la dégageant de toutes les conceptions sensibles, et des formes imaginaires dont elle se servait autrefois pour agir. Il est dit de cette courte oraison, qu'elle pénètre les cieux, elle est courte, parce que la notion du temps y échappe, elle pénètre les cieux parce qu'elle unit à Dieu par une connaissance sublime, dont les effets intérieurs restent gravés dans l'âme à son insu. Ces effets sont une élévation d'esprit, qui l'illumine à l'égard des choses célestes, et un admirable dégagement, une abstraction totale des formes ou images terrestres. Le prophète roi revenant à lui-même après ce doux transport s'écriait, « J'ai veillé, et j'étais comme le passereau solitaire sur un toit. » Psaume 101, 8. David, dont le cœur était complètement étranger à tous les biens d'ici-bas, se compare au passereau solitaire, et cette expression, « sur un toit », signifie l'esprit élevé en haut. Ainsi l'âme saintement ignorante à l'égard du Créé ne sait plus que Dieu seul. L'épouse des cantiques considère cette ignorance comme un des effets de ce sommeil mystérieux, quand elle dit « Je n'ai pas su », Cantique 6, 11, c'est-à-dire « J'ignore d'où me vient cette science infuse de la connaissance de Dieu ». Dans cet état l'âme s'imagine être oisive, toute opération des sens étant interrompue. Cependant elle doit se garder de croire qu'elle est inactive et en voie de se perdre, car si le concours et l'harmonie des puissances sont suspendus, l'entendement s'occupe néanmoins de la manière indiquée plus haut. Voilà pourquoi l'épouse sage et vigilante répond elle-même à cette objection, « Je dors, sous le rapport de mes facultés naturelles qui ont cessé d'agir, mais mon cœur veille. » Cantique 5, 2. Élevé surnaturellement à une connaissance ineffable, la sécurité de l'âme dans cette conjoncture, c'est de constater que rien n'est capable de fixer sa pensée, ni de lui plaire parmi les objets supérieurs ou inférieurs. La connaissance dont nous parlons n'absorbe pas toujours l'âme complètement, cette abstraction totale est rare, et se produit seulement lorsque Dieu l'attire d'une manière exceptionnelle. Or, pour la contemplation ordinaire, il suffit à l'entendement de se tenir éloigné de toutes les connaissances particulières, temporelles ou spirituelles, et à la volonté d'être dépourvu de toute inclination vers les unes ou vers les autres. La marque à laquelle on peut juger si l'âme est oui ou non dans cet état de transport, c'est lorsque l'entendement participe seul à cette connaissance générale. Si la communication se fait simultanément à la volonté, comme il arrive presque toujours, l'âme ne laisse pas, avec un peu de réflexion, de comprendre plus ou moins distinctement qu'elle est captivée et absorbée par cette connaissance, elle le reconnaît au délice et au sentiment d'amour dont son cœur est rempli, sans distinguer avec précision l'objet de son amour. La dénomination de connaissance générale et amoureuse indique donc le mode de communication plein d'obscurité pour l'entendement, et auquel la volonté participe sous la forme d'un amour tout à la fois vague et savoureux. Le lecteur me semble actuellement assez éclairé sur la disposition requise pour autoriser l'abandon de la voie discursive, et doit être parfaitement rassuré sur la crainte de son apparente oisiveté. S'il constate en lui les signes que nous venons d'énumérer, la comparaison du rayon a dû également le convaincre que plus la lumière est accessible à l'entendement, moins elle est pure et élevée, comme le rayon de soleil est plus sensible à l'œil lorsqu'il est plus chargé d'atomes. D'après l'enseignement d'Aristote et de l'école, la lumière divine devient obscure et confuse pour l'entendement. À proportion de son élévation et de sa sublimité, je ne me serais pas arrêté si longtemps sur ces doctrines très abondantes, soit en elles-mêmes soit dans les effets qu'elle opère dans les contemplatifs, si je n'avais craint de la laisser trop confuse, car il faut certainement l'avouer, elle l'est encore beaucoup. Ce sujet est rarement traité par écrit ou de vive voix. À raison de son obscurité même et de son application peu commune, au surplus, l'insuffisance de mon style et mon peu de savoir contribuent encore à le rendre moins clair. Dans mon désir d'être plus explicite, je m'étends parfois trop longuement, et je sors des bornes que comporte le point que j'explique. Cependant, j'agis souvent de la sorte avec intention, dans l'espoir que si certaines raisons n'ont pu faire comprendre le sujet en question, en multipliant les raisons on parviendra peu, être à le saisir, puis j'espère, par cette conduite, jeter à l'avance quelques lumières sur la suite de l'ouvrage, afin de compléter cette partie. Il me semble utile de répondre à un doute qui peut s'élever à l'occasion de la continuité de cette connaissance surnaturelle. Je le ferai brièvement dans le chapitre suivant. Chapitre 15. Il est avantageux, à ceux qui commencent à entrer, dans la connaissance générale de la contemplation, de revenir de temps en temps au raisonnement, et aux opérations de leur puissance naturelle. Après ce qui vient d'être dit, on peut se demander si les âmes en voie de progrès, c'est-à-dire celle que le Seigneur commence à gratifier du don de la contemplation surnaturelle, sont, par le fait même, dans l'impossibilité de trouver encore des moyens d'avancement dans la méthode de la méditation raisonnée et dans l'emploi des images naturelles. Je réponds à cette objection, il ne s'agit pas ici de ne jamais recourir à la méditation, ni de n'en plus tenter l'essai, car, au commencement, l'habitude de cette connaissance simple et pleine d'amour n'est pas assez parfaite pour permettre aux âmes de s'établir à leur gré dans l'acte de la contemplation, et leur impuissance à faire usage de la méditation n'est pas non plus si absolue, que leur esprit ne puisse parfois y découvrir un aliment nouveau. En outre, si, pendant la période du progrès, on s'aperçoit, aux signes que nous avons déjà énumérés, que les âmes ne sont pas absorbées dans le recueillement, il sera nécessaire de revenir à l'oraison de discours, jusqu'au moment où elles auront acquis l'habitude en quelque sorte parfaite de la contemplation. Or, il en sera ainsi lorsque, dans la méditation, elles se sentiront aussitôt captivées par cette attention douce et paisible, sans pouvoir raisonner, ni même en éprouver le désir. Mais avant d'être arrivées au degré des parfaits, elles devront tantôt céder du raisonnement, sans effort et avec modération, tantôt se livrer au repos amoureux de la contemplation, en dehors de la coopération des puissances. Il est vrai de dire qu'alors que l'exercice des puissances cesse, la lumière et la suavité d'amour se répandent passivement dans l'âme, dont l'unique soin doit être de se tenir attentive à Dieu, sans prétendre sentir ou voir quoi que ce soit, toute son action s'aborne à s'abandonner à la conduite de son adorable guide. Dans cette disposition, Dieu se communique à l'âme absolument comme la lumière matérielle à celui qui tient les yeux ouverts, pour recevoir avec plus d'abondance et de pureté la lumière céleste. Il faut écarter les autres lumières plus sensibles des connaissances produites par le raisonnement, les formes et les images, puisque rien de tout cela n'approche de la limpidité et de la sérénité du divin rayon. Vouloir encore comprendre et considérer des objets particuliers, même dans l'ordre spirituel, ce serait interposer un nuage entre notre esprit et les splendides clartés de cette simple lumière. Ainsi en est-il, dans l'ordre matériel, pour celui dont la vue serait circonscrite par un obstacle qui l'empêcherait de voir la lumière et les objets placés au-delà. Cette doctrine nous prouve évidemment qu'aussitôt l'œuvre de purification et de dépouillement achevée, l'âme se verra investie de la pure et délicate lumière d'en haut qui, par une merveilleuse transformation, l'élèvera jusqu'à l'état de perfection. Le propre de cette vive lumière est de répandre ses clartés dans l'âme, mais le voile ténébreux des images et des créatures dont celle-ci est enveloppée s'oppose à sa libre diffusion. Faites disparaître ces obstacles, enlevez tous ces voiles, aussitôt votre âme, simplifiée et purifiée par le dénuement spirituel, s'unira à la pureté et à la simplicité de la sagesse divine, qui est le Verbe de Dieu. À mesure que l'âme éprise de l'amour divin se dépouille de l'élément naturel, l'élément divin se répand en elle surnaturellement, car Dieu ne laisse jamais de vide sans le combler. Que l'homme spirituel apprenne donc à se tenir dans un paisible recueillement et un amour attentif en présence de son Créateur, même quand son impuissance à méditer lui ferait craindre d'y être oisif, peu à peu, ou plutôt très promptement, il sentira une paix ineffable envahir son âme, et il se verra comblé d'admirables et sublimes connaissances. Au milieu des délices du repos divin, que son entendement ne se préoccupe plus alors des formes, des imaginations ou du raisonnement, à cette heure tous ces moyens ne procurent à l'âme que dégoût et fatigue, en troublant son bonheur et sa paix. Et pour bannir tous ses scrupules au sujet de l'oisiveté, qu'il sache bien que ce n'est pas une œuvre de peu d'importance d'arrêter l'activité des désirs et des opérations naturelles de son âme, et de l'établir dans un repos absolu. N'est-ce pas là d'ailleurs l'invitation que nous fait le Seigneur par David? Apprenez à demeurer vide et dégagé de toute chose, intérieurement, et vous expérimenterez, par les douceurs de mon amour, que c'est moi qui suis Dieu. Psaume 45. Chapitre 16. Des représentations imaginaires produites surnaturellement dans l'esprit, pourquoi ne peuvent-elles pas servir de moyens prochains pour arriver à l'union divine? Après avoir traité des représentations naturelles sur lesquelles s'exerce l'imagination et la faculté représentative, il convient de parler maintenant de celles que l'âme peut recevoir surnaturellement. Ce sont les visions imaginaires, comme les conceptions naturelles. Elles s'enveloppent de symboles sensibles appartenant au sens intérieur. Sous cette dénomination de visions imaginaires, nous comprenons toutes les espèces, les images, les formes et les figures dont l'imagination est surnaturellement frappée. Ces représentations étant plus admirables et plus parfaites, l'âme en est plus vivement affectée que sous l'action naturelle des sens. L'empreinte que les cinq sens corporels peuvent graver naturellement en l'âme, par les images et les espèces des objets qu'ils proposent au sens intérieur, peut aussi être reproduite et se présenter à elle surnaturellement, sans le concours d'aucun sens intérieur. Ce sens de l'imagination et de la mémoire est comme le réservoir de l'entendement, où se conservent toutes les images qui doivent servir ensuite de matière au travail intellectuel. en s'offrant à l'analyse et au discernement de cette puissance, sous la forme d'images, Dieu découvre souvent à l'âme un sens caché, et lui révèle les secrets de sa profonde sagesse, comme nous le voyons presque à chaque page des divines écritures. Ainsi le Seigneur manifesta sa gloire sous la figure de la nuée qui remplissait le temple, in, Exode, 40, 32, ou par les séraphins qui de leurs ailes se voilaient la face et les pieds, citation, Isaïe, 6, 2, il instruisit Jérémie par le symbole d'une verge qui veillait, Jérémie, 1, 11, Daniel, par de nombreuses visions, etc. Citation. Le chapitre 7, 8, 9, 10, Daniel, de son côté, le démon essaie de séduire l'âme par des visions qui ont une apparence de vérité. On peut s'en convaincre en lisant au troisième livre des rois comment il trompa les prophètes d'Achab, en représentant à leur imagination les cornes de fer avec lesquelles ils devaient remporter la victoire sur les Syriens. L'événement prouva la fausseté de cette prédiction, 3 rois, 22, 11, tel fut encore le songe qu'eut la femme de Pilate pour empêcher la condamnation du Christ, Matthieu, 27, 19, et bien d'autres faits de ce genre rapportés dans les livres saints. Les âmes avancées sont plus souvent favorisées de visions imaginaires que de visions extérieures et corporelles. Les unes et les autres ne diffèrent pas quant à la forme, sensible, mais il existe, quant à leur perfection et à leur effet, une immense différence. Les premières, qui sont tout à la fois surnaturelles et intérieures, s'insinuent plus profondément dans l'âme et y produisent plus de fruits. Ce n'est pas à dire cependant que certaines visions corporelles et extérieures ne puissent opérer de plus grands effets que les imaginaires, car après tout, leur action est subordonnée au bon plaisir divin. Nous nous basons ici simplement sur leur propriété intrinsèque qui est d'être plus intérieure et par conséquent plus efficace. Le sens de l'imagination est celui dont le démon s'empare le plus aisément. C'est la porte par où il pénètre dans l'âme avec tous ses artifices. C'est là aussi, comme dans une place publique ou comme dans un port, que l'entendement vient prendre et mettre en réserve ses provisions. Dieu s'y présente pour offrir à l'intelligence des images et des pensées salutaires, et le malin esprit, de son côté, s'empresse d'accourir avec l'appât de ses représentations trompeuses. Au reste, le Seigneur n'est pas limité à ce seul moyen d'instruction pour l'âme, lui, qui habite substantiellement en elle, peut l'instruire directement, ou par des intermédiaires, selon ses desseins impénétrables. Mon but n'est pas d'indiquer les preuves auxquelles on connaîtra si les visions procèdent du bon ou du mauvais esprit, j'ai voulu seulement tracer la ligne de conduite à suivre, afin que les visions véritables ne deviennent pas un obstacle et une entrave à l'union de la divine sagesse, et que les fausses ne soient pas une source d'illusion. Règle générale, l'entendement ne doit pas se préoccuper des connaissances et des visions imaginaires, ni se nourrir de ce qui s'offre à lui sous la forme d'images et d'idées particulières. S'agit-il même de celles dont Dieu est l'auteur, et à plus forte raison de celles qui sont produites par le prince des ténèbres, si l'âme veut acquérir la pureté, la simplicité et le dépouillement indispensables à l'union divine, elle ne doit tenir compte ni des unes ni des autres, en voici la raison. Les accepter, c'est donner par là même accès à des formes sensibles et à des moyens fort limités, tandis que la sagesse de Dieu infiniment pure et simple, à laquelle l'entendement doit s'unir, n'admet ni mode, ni forme aucune, et n'est point renfermé dans les bornes étroites d'une connaissance distincte. Or pour unir ces deux extrêmes, l'âme humaine et la divine sagesse, il est nécessaire d'établir entre elles une sorte de proportion et de ressemblance. Par conséquent, il faut que l'âme se revête de pureté et de simplicité, et cesse de se restreindre aux conceptions particulières. De fait, le Saint-Esprit nous donne à comprendre dans le Deutéronome que Dieu n'a ni figure, ni ressemblance, lorsqu'il dit « Vous avez entendu le bruit de ses paroles, mais vous n'avez point vu la forme de son être. » Citation 4, 12, les ténèbres, le nuage et l'obscurité, dont il est fait mention au même endroit, signifie la connaissance obscure et confuse dans laquelle l'âme s'unit avec son Dieu. Plus loin, l'écrivain sacré ajoute, « Vous n'avez vu aucune représentation le jour où le Seigneur vous parla hors au milieu du feu. » Deutéronome 4, 15, le même Esprit de Dieu nous révèle, dans les nombres, qu'il est impossible à l'âme de parvenir en cette vie à la sublimité de l'union d'amour. Par le seul moyen des espèces sensibles, Dieu reprenant à Aaron et Marie d'avoir murmuré contre Moïse leur frère, semble leur manifester le degré d'union et d'intimité qu'il avait daigné contracter avec le libérateur de son peuple. « Si quelqu'un parmi vous est prophète du Seigneur, dit-il, je lui apparaîtrai dans la vision, ou je lui parlerai en songe. » Mais tel n'est pas mon serviteur Moïse qui est le plus fidèle de ma maison, car c'est bouche à bouche que je lui parle. C'est clairement et non en énigme et en figure qu'il voit le Seigneur. Nombre 12, 6, 7, 8. Ces paroles vraiment divines nous enseignent que Dieu ne se communique plus à l'âme, parvenue à l'union d'amour, sous le voile des visions imaginaires, des similitudes ou des figures, il lui parle bouche à bouche, c'est à dire que son essence pure et simple, devenue dans l'effusion de son amour comme la bouche même de Dieu, s'unit à l'essence pure et simple de l'âme, au moyen de la volonté, qui est la bouche de l'âme, avide d'attirer en elle l'esprit d'amour, on le comprend, pour réaliser ce dessein merveilleux, il faut renoncer avec constance et générosité aux grâces extraordinaires et aux connaissances particulières, qui seraient plus nuisibles qu'utiles au progrès réel dans la perfection, s'il y avait un motif plausible de les estimer ou de les admettre, ce serait en vue des fruits salutaires que les véritables visions produisent en l'âme. Mais cet heureux résultat ne dépend nullement de son adhésion, en toute hypothèse, il lui sera donc plus utile de les refuser toujours, aussitôt que les représentations imaginaires et les visions corporelles s'offrent à l'esprit. Elles le remplissent tout d'abord d'intelligence, de suavité et d'amour, telle est la fin que le Seigneur se propose en les accordant, l'âme reçoit leur effet vivifiant d'une manière passive, sans pouvoir entraver l'action de Dieu par son action propre. Pas plus qu'elle n'a contribué à s'en procurer les heureux fruits, malgré tous ses efforts pour se disposer à les recevoir, à ce propos ne peut on pas établir encore un rapprochement avec la vitre de cristal, qui se laisse passivement illuminer par les rayons du soleil, à proportion de sa limpidité, ainsi en est-il de l'âme pure. Les influences de ses connaissances la pénétreront infailliblement. Parce que l'humble abandon de sa volonté l'empêche de résister à l'infusion surnaturelle de la grâce, les souillures et les imperfections de l'âme sont les seuls obstacles à ses faveurs. Comme les taches de la vitre s'opposent à la transmission de la lumière, tirons-en cette conclusion évidente, plus l'âme aura soin de sevrer sa volonté des conceptions, des images et des figures qui enveloppent les communications spirituelles. Mieux elle se disposera à recevoir l'abondance des dons célestes avec liberté d'esprit et simplicité, toutes ces impressions sensibles n'étant en réalité que des voiles qui dérobent à sa vue le fruit essentiel, en permettant à l'esprit de se complaire dans ces impressions sensibles, il est manifeste que l'entendement, distrait par les apparences, n'a plus la liberté de recevoir la substance de ses grâces. L'estime que l'âme fait de toutes ces choses lui crée mille inquiétudes, elle met de côté le principal, c'est-à-dire le bien purement spirituel, dont elle ignore la nature, et se contente de l'accessoire, c'est-à-dire des formes saisies par les sens, qui sont les seules à sa portée. C'est pourquoi j'affirme que le fruit principal de ces visions lui est communiqué passivement, sans qu'elle ait besoin d'y joindre l'activité de son intelligence. Les regards de l'esprit doivent donc se détourner de toutes les connaissances distinctes, parce que, lui étant offerte par les sens, elles n'établissent pas le fondement inébranlable de la foi. L'âme tout à fait indépendante des sens s'appuie sur l'invisible et sur le spirituel, et arrivera ainsi à l'union par la foi. La substance de ses visions lui sera donnée, desquelles sera rejeté tout ce qu'il y a de sensible et d'intelligible, se conformant ainsi au dessein du Seigneur, qui n'accorde pas ses dons pour que le cœur s'y complaise, et en fasse l'objet de son attachement, mais un doute s'élève. Et le voici, s'il est vrai que Dieu n'envoie pas à l'âme les visions surnaturelles pour qu'elle les estime, les accepte et s'y appuie, pourquoi donc les lui envoie-t-il? Ne sont-elles pas une occasion de péril et une source d'erreur, ou pour le moins un obstacle à son avancement? En l'exposant aux graves inconvénients déjà signalés, le Seigneur ne peut-il pas communiquer spirituellement et en substance à l'âme ce qu'elle reçoit par les sens, à l'aide des visions et des formes sensibles dont nous avons déjà parlé? Nous répondrons à cette difficulté dans le chapitre suivant. À mon avis, c'est une doctrine aussi importante et aussi nécessaire pour les hommes spirituels que pour leurs directeurs. Nous dirons alors la conduite que Dieu tient dans ses visions, et la fin qu'il se propose en les envoyant. Beaucoup sont ignorants sur ce point, et ne savent ni se gouverner eux-mêmes, ni guider sûrement les autres dans la voie de l'union. Ils reconnaissent Dieu comme le véritable auteur de ses faveurs. Dès lors ils croient utile d'en tenir compte et de s'y appuyer, sans prendre garde que l'âme s'y attache avec un sentiment de propriété. Cependant, si elle n'a pas le courage d'y renoncer, ses grâces sensibles lui seront aussi préjudiciables que l'attache aux vanités du siècle. Ainsi ses directeurs, jugeant à propos d'admettre les unes et de repousser les autres, s'exposent, eux et les âmes qu'ils dirigent, aux dangers et aux sollicitudes sans nombre qu'entraîne le discernement de la vérité ou de la fausseté de ces visions. Mais bien loin de leur prescrire ce travail et cette peine, Dieu ne veut même pas qu'il l'impose aux âmes simples. Elles possèdent, en effet, dans la foi une doctrine à l'abri de toute erreur et de toute incertitude, qui les guidera sûrement dans le sentier de la perfection, à la condition de fermer les yeux aux objets sensibles et aux connaissances distinctes et particulières. Saint Pierre ne douta pas assurément de la glorieuse transfiguration du Christ sur le Tabor. Néanmoins, voulant porter les fidèles à s'attacher à la foi, il les exhorte en ces termes dans sa seconde épître: « Nous avons un appui plus sûr dans les oracles des prophètes, auxquels vous faites bien de vous arrêter, comme à une lampe qui luit dans un lieu ténébreux. » Citation 2, 1, 19. Ce texte, si on veut bien y réfléchir, exprime à merveille la doctrine que nous avons pris à tâche de développer, en nous donnant le conseil de regarder les prophéties comme une lampe qui luit dans les ténèbres. L'apôtre nous engage à fermer les yeux à toute autre lumière, afin que la foi soit notre unique appui, s'attacher aux lumières des connaissances claires et distinctes. C'est renoncer à l'obscurité de la foi qui cesse alors d'illuminer de ses splendeurs l'entendement, c'est-à-dire le lieu ténébreux dont parle Saint Pierre, tant que le jour de la claire vision n'aura pas lui pour nous dans la gloire, ou tant que la transformation et l'union de notre âme en Dieu ne seront pas accomplies en cette vie. Notre entendement, qui est le flambeau sur lequel la foi repose, ne devra pas prétendre à d'autres lumières. Chapitre 17. De la fin que Dieu se propose en communiquant à l'âme les biens spirituels, et du mode qu'il emploie, réponse au doute qui a été soulevé. Il y aurait beaucoup à dire sur les motifs et sur la fin que Dieu se propose en envoyant ses visions. Cette fin, c'est de faire sortir l'âme de sa tiédeur et de l'élever graduellement à l'union divine. Tous les auteurs spirituels ont écrit sur cette matière, aussi me bornerai-je dans ce chapitre à résoudre l'objection déjà proposée, comment Dieu, dont l'infinie sagesse et la providence si miséricordieuse voudraient affranchir les âmes de toute occasion de péril et de chute, leur envoie-t-il ces visions surnaturelles qui les exposent à tant d'écueils et de dangers. Avant de répondre à cette difficulté, il est bon d'établir trois principes. Le premier est de saint Paul, les choses qui existent ont été établies par Dieu. Romains 13, 1. Le second nous est enseigné par l'Esprit Saint au livre de la sagesse où il est écrit, la sagesse de Dieu, bien qu'elle atteigne d'une fin à l'autre, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre, dispose tout avec douceur. Citation 8, 1. Enfin le troisième nous est fourni par l'école, Dieu meut tous les êtres, chacun selon le mode de leur nature. Saint Thomas in premier livre sentence 8, Q, 3, 1, 4, M. C'est une conséquence évidente de ces principes que, pour mouvoir l'âme et l'élever de l'extrême abîme de sa bassesse à la hauteur souveraine de l'union, Dieu doit nécessairement procéder avec ordre et suavité, et d'une manière qui soit en rapport avec la condition de l'âme elle-même. Or, dans l'ordre des connaissances de l'âme, ce qui se présente tout d'abord à elle, ce sont les formes et les images des choses créées. Sa manière ordinaire de connaître et d'entendre dépend des sens. Donc pour la conduire avec suavité à la science suréminente de l'amour, le Seigneur doit commencer par toucher l'âme à l'extrémité infime des sens, afin de l'élever progressivement selon sa nature jusqu'à l'autre extrémité qui est sa divine sagesse, infiniment éloignée des sens. C'est pourquoi Dieu, se proportionnant ainsi au mode d'intelligence naturelle ou surnaturelle de sa faible créature, l'instruit premièrement à l'aide de la voix discursive et des moyens sensibles, comme les visions, les représentations imaginaires et les autres connaissances intelligibles. Pour la rendre ensuite participante de son esprit, il ne faut pas croire cependant que Dieu se refuserait à lui communiquer dès le commencement la pureté de l'esprit, si ces deux extrêmes, les sens et l'esprit, l'humain et le divin pouvaient immédiatement s'adapter et s'unir par un seul acte, sans l'intervention première d'actes multipliés qui servent de préparation à l'âme, mais ces actes s'enchaînent avec une douce et parfaite harmonie. Les uns deviennent le fondement des autres, de même que, parmi les agents naturels, les premiers servent de base aux seconds, les seconds aux troisièmes, et ainsi de suite. Dieu perfectionne l'homme en se conformant à la mesure de l'homme, c'est-à-dire en le conduisant par gradation des choses les plus basses aux plus élevées, à savoir des impressions extérieures aux sentiments intérieurs. D'abord il réforme les sens corporels en leur offrant des objets extérieurs naturellement bons et parfaits, par exemple il inspire d'assister à la messe, d'entendre les sermons, de fixer les regards sur des images saintes, de mortifier le goût dans les aliments, de macérer le corps et de crucifier la chair par les austérités de la pénitence. Après ces opérations préliminaires, le Seigneur s'applique à rendre les sens plus parfaits en leur accordant, pour les confirmer dans le bien, des consolations et des faveurs surnaturelles. Telles sont les visions sensibles des saints, les paroles pleines de suavité et de charme, ou les senteurs parfumées dont il les enivre. En même temps, Dieu perfectionne les sens corporels intérieurs, tels que l'imagination. Il les incline au bien par des considérations touchantes, des méditations pieuses, de saints colloques, et les forme ainsi à la vie de l'esprit, après les avoir préparés par des exercices naturels, Dieu les favorise de visions surnaturelles, que nous nommons ici imaginaires, afin de les illuminer et de les spiritualiser encore davantage. Toutes ces grâces affermissent beaucoup les sens dans la vertu, et les détournent des appétits mauvais. Elles servent également à faire avancer rapidement l'esprit dans la vie intérieure. C'est ainsi que Dieu l'élève de degré en degré jusqu'au sanctuaire le plus secret de son amour. Cependant Dieu ne s'astreint pas invariablement à garder de point en point cet ordre progressif. Parfois il transporte l'âme à un de ces degrés sans la faire passer par les autres. Sa conduite se base sur le besoin de sa créature et sur la mesure des faveurs qu'il désire lui accorder. Toutefois la règle que nous venons de donner est la voie la plus ordinaire. Le Seigneur traite l'âme selon l'infirmité de sa nature. Il lui communique d'abord la vie spirituelle par le moyen d'objets extérieurs, bons en eux-mêmes, qui élèvent l'esprit en lui faisant produire des actes particuliers de vertu. Par ces communications spirituelles plus multipliées, l'âme contracte peu à peu l'habitude du bien, et se rend ainsi capable de recevoir la substance même de l'esprit, incompatible avec une vie purement extérieure. Si l'âme a dû traverser la voie des sens pour atteindre ce terme si désirable, à mesure qu'elle s'en approche, elle s'éloigne des moyens sensibles du raisonnement, de la méditation et des représentations imaginaires. Mais elle devra de plus s'affranchir de tout ce qui pourrait être à la portée des sens, même relativement aux faveurs célestes, avant d'espérer jouir d'un commerce plus intime avec Dieu. Cela se conçoit, plus on attendra le moment favorable où elle pourra quitter cette même méthode, c'est-à-dire, l'heure où Dieu l'élèvera au commerce plus intime de la contemplation, dont nous avons exposé la doctrine au chapitre 11 de ce livre. Quant aux visions imaginaires, ou aux autres connaissances surnaturelles qui se présentent au sens, en dehors du concours actif de l'homme, j'affirme qu'en tout temps, dans l'état de perfection comme dans un état moins parfait, alors même que ces connaissances et ces visions sont de Dieu, l'âme ne doit pas y aspirer, ni s'y arrêter longtemps. Pour deux motifs. Premier motif, ces grâces, ainsi que nous l'avons dit, produisent leur effet passivement en l'âme, sans que celle-ci puisse y mettre obstacle, bien qu'elle soit libre d'en repousser le mode. Par conséquent l'effet accessoire est compensé éminemment, quoique d'une toute autre manière, par une communication plus abondante de l'effet essentiel qui s'opère dans l'âme. Il n'y a aucune trace d'imperfection ni d'égoïsme à renoncer à ses faveurs avec respect et humilité. C'est plutôt la preuve d'un véritable désintéressement et d'une abnégation parfaite, deux excellentes dispositions pour arriver à l'union divine. Second motif, en agissant ainsi on se délivre du travail nécessaire pour discerner les visions vraies des fausses, pour s'assurer si l'ange de lumière ou celui de ténèbres en est l'agent, travail qui ne va jamais sans péril, examen superflu où il n'y a d'autre profit pour l'âme que perte de temps et inquiétude. Cet examen expose encore l'âme à de nombreuses imperfections, entrave sa marche progressive, en ne la franchissant pas des minuties de ses connaissances et de ses intelligences particulières. Comme nous l'avons dit au sujet des visions corporelles et imaginaires, au reste, nous aurons occasion de le répéter plus tard, si notre Seigneur n'était pas obligé de se mettre au niveau de l'âme, jamais il ne lui communiquerait l'abondance de son esprit par ses canaux si étroits des formes, des figures et des connaissances distinctes, à l'aide desquelles il sustente l'âme comme avec des petites miettes. Le prophète royal exprimait de la sorte cette conduite divine, il envoie sa glace comme des petits morceaux de pain, PS 147, 17, c'est-à-dire, il envoie sa sagesse aux âmes comme en parcelles, n'est-ce point une douleur bien légitime de voir l'âme, dont la capacité est presque infinie, réduite à cause de sa faiblesse et de son infirmité naturelle, à n'accepter pour aliment que les miettes d'essence, ce manque de disposition et cette inaptitude à recevoir l'Esprit de Dieu faisait gémir saint Paul lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, « Mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des personnes encore charnelles, comme à de petits enfants en Jésus-Christ je ne vous ai nourri que de lait et non de viande solide, parce que vous n'en étiez pas encore capable, et à présent même vous ne l'êtes pas devenu, parce que vous êtes encore charnel. » Corinthiens 3, 1. Il est donc bien avéré maintenant, que un âme ne doit pas arrêter les yeux de son intelligence à cette enveloppe sensible des figures et des objets, qui lui sont offerts surnaturellement par les sens extérieurs, c'est-à-dire aux paroles et aux discours qui frappent l'ouïe, aux apparitions des saints, aux splendeurs magnifiques qui frappent la vue, aux parfums qui charment l'odorat, aux suavités qui flattent le goût, aux jouissances du tact, enfin à toutes ces impressions qui se rencontrent ordinairement dans les voies spirituelles. Il ne faut pas davantage s'attacher aux visions imaginaires des sens intérieurs, mais la première obligation de l'âme est d'estimer avant tout le fruit précieux que ses faveurs opèrent, de s'efforcer de faire passer ce fruit dans ses œuvres, en s'exerçant avec un zèle désintéressé au service du Seigneur, sans chercher à savourer aucun goût sensible. Alors elle recueillera infailliblement de ses grâces le fruit dont le Seigneur avait dessein de la gratifier, c'est-à-dire l'esprit de ferveur. Fin principale de tous ces dons, l'âme laissera ainsi de côté le moyen sensible, que Dieu lui-même ne lui donnerait pas, si elle était capable de recevoir ses faveurs spirituellement, par une voie toute étrangère au sens. Chapitre 18. Du tort que font aux âmes certains maîtres spirituels, faute d'une bonne méthode pour les diriger dans ces visions, comment les âmes peuvent être dans l'erreur lors même que ces visions viennent de Dieu. L'abondance des matières sur ce sujet des visions ne nous permet pas d'être aussi succinct que nous le désirerions, après avoir donné en substance une doctrine assez développée, pour faire comprendre à l'homme spirituel l'attitude qu'il doit garder à l'égard de ses visions, et à son directeur, la conduite qu'il doit tenir avec son disciple, il ne sera pas superflu d'entrer, sur cet enseignement, dans quelques détails plus particuliers, aussi bien pour les âmes spirituelles que pour le maître qui les instruit. Il sera utile de jeter une plus grande lumière sur les maux qui peuvent résulter de ces visions, si les uns et les autres les acceptent avec trop de crédulité, même quand leur principe est divin. La raison qui me détermine en ce moment à m'étendre sur ce point, c'est le peu de discrétion que j'ai cru reconnaître dans la manière d'agir de plusieurs directeurs spirituels. En effet, pour avoir donné une créance trop facile à l'apparence bonne et véritable de ces connaissances surnaturelles, ils en sont venus à se jeter et à jeter les autres dans l'erreur et la confusion. C'est à eux que s'applique parfaitement la sentence du Christ, « Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dans la fosse. » Matthieu 15, 14. Le texte sacré ne dit pas ils tomberont, mais ils tombent, parce que, en pareille matière, s'exposer à l'erreur, c'est déjà errer. Le seul fait de se conduire l'un l'autre avec assurance est un véritable égarement, et on peut dire qu'ils tombent pour le moins en cela. La méthode de ces directeurs à l'égard des âmes favorisées de vision, a pour résultat de les jeter dans l'illusion et le trouble, de les détourner du chemin de l'humilité en les engageant à se complaire dans les voies extraordinaires. Enfin de les écarter de la pureté parfaite de l'esprit de foi, ils ne leur font que trop connaître par cette même manière d'agir le cas qu'ils en font eux-mêmes, à leur exemple, ces âmes ignorantes apprécient ces connaissances et s'y attachent, au lieu de s'établir dans l'abnégation et dans le dépouillement absolu, qui seuls peuvent leur faire prendre l'essor vers les hauteurs de la foi obscure. Tous ces inconvénients naissent de l'attitude et du langage de ces directeurs imprudents. Puis, par suite de je ne sais quel prestige, une correspondance mystérieuse inspire à l'âme l'estime et l'affection de ces choses, et détourne ainsi ses regards des abîmes de la foi, son penchant naturel l'incline vers les sens d'où lui viennent ses visions, étant donc déjà captivé par l'attrait de ses communications sensibles. Il lui suffit de voir son confesseur, ou toute autre personne, les apprécier et les estimer poursuivre leur exemple, alors son désir fortement excité s'en nourrit insensiblement, avec une plus grande avidité et une affection toujours croissante, de là résulte une foule d'imperfections pour ne pas dire davantage, l'âme devient moins humble, elle croit posséder un bien d'une certaine valeur. Elle s'imagine être la préférée de Dieu, elle avoue la contente et toute satisfaite d'elle-même, sentiment diamétralement contraire à l'humilité. À son insu, le démon fortifie aussitôt cette disposition, et commence secrètement à lui suggérer une pensée de curiosité. Elle se demande, d'autres âmes sont-elles parvenues à ce degré, oui ou non, ont-elles reçu ces mêmes grâces? N'en sont-elles pas favorisées? Quel langage opposé à la sainte simplicité de l'esprit et à la solitude intérieure? Loin de grandir dans la foi, l'âme tombe dans une multitude de fautes, peut être moins grossière que celle-ci, mais d'un genre plus subtil et plus répréhensible aux yeux du Seigneur, parce qu'elle l'empêche de marcher dans la nudité de la foi. Mais laissons ce sujet pour le reprendre lorsque nous traiterons du vice de la gourmandise spirituelle et des autres péchés capitaux, s'il plaît à Dieu. Nous décrirons alors en détail cette âge secrète qui s'attache à l'esprit, quand on ne sait pas le guider dans la voie du parfait dénuement. Nous allons caractériser ici la méthode défectueuse de certains confesseurs dans la direction des âmes, et certes, je voudrais bien savoir m'expliquer convenablement, car à mon avis c'est chose difficile de faire comprendre à quel point l'esprit du maître influe en secret sur celui du disciple, tellement qu'on ne peut parler de l'un sans faire connaître l'autre, il n'y a rien d'extraordinaire en cela, les choses de l'esprit ayant entre elles tant de relations et d'affinités, il me semble, et ce n'est pas sans raison, que si le Père spirituel a du faible pour les révélations, si complet y attache une grande importance, il ne manquera pas d'imprimer involontairement ce même attrait dans l'esprit de son Fils spirituel, si toutefois celui-ci n'est pas plus avancé que son Maître, dans ce cas même, la persévérance sous une semblable direction apporterait de graves préjudices à son avancement, en effet, de cette forte inclination du Père spirituel pour les visions, résultera une certaine complaisance dont il donnera des signes manifestes. S'il n'a pas assez de circonspection pour dissimuler ses sentiments, admettant toujours que le disciple éprouve le même penchant, de part et d'autre il y aura, n'en doutez pas, de fréquents entretiens sur l'appréciation et l'estime mutuelle que l'on fait de ses faveurs, mais, sans entrer à présent dans ces détails subtils, supposons que le confesseur, incliné oui ou non vers ces choses, n'a pas la prudence nécessaire pour en dégager l'esprit et la volonté de son pénitent, qu'arrive-t-il? Il entre donc en conférence sur ce point avec son disciple, et le principal sujet de leur discours porte sur ses visions, il lui trace des règles pour discerner en elles le vrai du faux, à la vérité, Il est important au directeur de posséder cette science, mais il n'est pas à propos d'imposer aux disciples cette recherche et ce soin, ni de l'exposer au péril qui en résulte, si ce n'est en quelque nécessité urgente, en les laissant passer sans affecter d'y prendre garde. Tout danger cesse et le devoir est accompli. Signalons un autre abus, lorsque ces directeurs voient une âme enrichie des faveurs divines, ils font instance auprès d'elle, pour obtenir par son entremise la révélation de telle ou telle chose, qui les concerne, eux ou d'autres, et ces bonnes âmes leur obéissent, pensant qu'il est permis de chercher ainsi à connaître ces choses, parce que Dieu daigne parfois, quand bon lui semble, et pour des motifs qui lui sont connus, révéler des connaissances surnaturelles, il se croit autorisé à désirer cette révélation et même à la solliciter, si Dieu, acquiesçant à leurs suppliques, répond à leurs questions, ils deviennent plus audacieux à l'avenir, ils s'illusionnent et jugent que Dieu a pour agréable ce mode de communication, mais en vérité, cette manière d'agir déplaît souverainement à la Divine Majesté. Les directeurs, si affectionnés à ces entretiens célestes, y attachent la volonté des âmes qui sont sous leur conduite, avec d'autant plus de facilité que celles, s'ils trouvent la satisfaction de leurs attraits, et sont naturellement portés à voir comme leur directeur. Or les âmes se trompent fort souvent en matière de révélation. Et lorsque les événements ne se réalisent pas comme les confesseurs l'avaient prévu, ils s'étonnent et conçoivent aussitôt des doutes sur la réalité des visions. Ils se figuraient d'abord deux choses. La première, que cette révélation venait de Dieu, puisqu'elle cadrait si bien avec leur esprit, et cette impression pouvait n'être tout simplement que le résultat de leur naturel porté vers ces dons extraordinaires. La seconde, que cette révélation étant divine, elle devait se vérifier dans le sens qu'ils avaient supposé. Illusion complète, car les paroles de Dieu n'ont pas toujours l'effet que les hommes leur attribuent, et ne s'accomplissent pas à la lettre suivant le propre de l'expression. En conséquence, fut-on convaincu que ces révélations, ces paroles, ces réponses sont de Dieu, on ne doit pas les admettre avec trop d'assurance, ni leur accorder une foi aveugle. Elles sont certaines et véritables en elles-mêmes, mais il n'est pas nécessaire qu'elles le soient toujours dans le sens de notre appréciation personnelle. C'est ce que nous prouverons dans le chapitre suivant. Nous dirons ensuite que de telles questions déplaisent toujours à Dieu, et comment il s'en irrite tout en daignant y répondre.